Tout ça à cause du Covid? Un mensonge millénaire. À cause du Covid. À cause du Covid. À cause du Covid. À cause de la crise du Covid. À cause de la pandémie du Covid. À cause de la pandémie du Covid. À cause de la pandémie du Covid. À cause de la pandémie du Covid. À cause du Covid. À cause du Covid. À cause de la crise du Covid. Cette phrase, je ne peux plus l'entendre. Et pourtant, depuis plus d'un an, elle est martelée au peuple littéralement comme un mantra. Et ce, dans le monde entier, quotidiennement, voire toutes les heures. Sur Internet, en quelques minutes, j'ai pris les notes suivantes. Déprimé à cause du Covid. Emploi interrompu à cause du Covid. Entreprise fermée à cause de la crise du Covid. Difficultés financières à cause du Covid. La police cantonale de Turgovie perçoit 1,5 million de francs d'amende en moins à cause du Covid. Augmentation dramatique des suicides à cause du Covid. Beaucoup plus de morts de faim à cause du Covid. Le tourisme souffre à cause du Covid. Le chemin de fer rétique se plaint de chiffres dans le rouge à cause du Covid. Les CFF enregistrent une perte de 45,8 millions de francs à cause du Covid. Une nouvelle vague de pauvreté à cause du Covid. Les églises collectent moins à cause du Covid. Touristes bloqués à l'étranger à cause du Covid. La vie publique reste limitée à cause du Covid. Changement de profession à cause du Covid. Les autorités fiscales, des milliards manquent à cause du Covid. Pas de travail scolaire à cause du stress du Covid. Les marchés de Noël sont fermés à cause du Covid. Le chômage partiel à cause du Covid. Toujours pas de grands événements à cause du Covid. Des vagues de licenciements à cause du Covid. Les compagnies aériennes dans le rouge, la faute à la pandémie du Covid. Il s'agit, comme je l'ai dit, de séquences recueillies en quelques minutes. Et il y en a des milliers d'autres. Et les médias répètent sans cesse ce mantra « à cause du Covid », plusieurs fois par heure. C'est un fait. En bref, par-dessus tout ce qui est réellement détruit, la politique et la presse crient « à cause du Covid ». Qu'il s'agisse de la destruction de l'ensemble de l'économie mondiale ou de la dissolution de toutes nos formes de vie sociale. Si toutes nos ressources et nos cultures sont détruites, si tous nos droits fondamentaux sont dissous, nos constitutions rendues inefficaces, peu importe, concernant toute destruction, on dit en bref « à cause du Covid ». Mais savez-vous quelle est la vérité? Rien n'est à cause du Covid. Tout est uniquement à cause de la politique, à cause de la politique du Covid. Ce n'est pas à cause du Covid que beaucoup sont déprimés. Mais sache que c'est à cause de la politique du Covid qu'ils sont déprimés. Ce n'est pas à cause du Covid que toutes les activités lucratives sont interrompues, mais à cause de la politique du Covid. Ce n'est pas à cause du Covid que les entreprises ferment, c'est à cause de la politique du Covid. Ce n'est pas à cause du Covid que le monde entier a des problèmes financiers, mais uniquement à cause de la politique du Covid. C'est comme ça. Et il en va de même dans tous les domaines de souffrance où les gens crient « à cause du Covid ». Mais je le répète, ce n'est pas à cause du Covid, mais à cause de la politique du Covid que tout meurt. Que cette vérité puisse éliminer de la même manière cette propagande mensongère qui, à chaque minute de la journée, répète comme un mantra que tout va à valo à cause du Covid. Quiconque a écouté le journal télévisé de 8 heures de SFR 1 d'aujourd'hui, c'est-à-dire du 14 mai, à penser dès les premiers mots. Oui, cette vérité a enfin atteint le grand public, parce que là, c'était littéralement dit, et je cite, « La crise humanitaire provoquée par le Covid aurait pu être évitée. C'est la conclusion d'un groupe d'experts indépendants nommé par l'Organisation mondiale de la santé. » Mais ceux qui pensent aujourd'hui que la vérité susmentionnée est enfin révélée sont loin du compte. Comment cela pourrait-il être le cas alors que l'OMS elle-même a nommé ce groupe d'experts soi-disant indépendants? C'est impossible. C'est probablement la raison pour laquelle la coprésidente de cet organisme auto-élu déclare dans la phrase suivante, je cite, « La situation d'aujourd'hui aurait pu être évitée si l'OMS avait déclaré plus tôt une urgence sanitaire mondiale. » L'ampleur dramatique de la crise est, je cite à nouveau, un cocktail toxique de procrastination et de mauvaises décisions stratégiques. Fin de citation. Voyez-vous, à première vue, bien sûr, on pourrait penser que la critique de cet organisme est la preuve qu'il s'agit bien d'un groupe d'experts indépendants. Après tout, elle a manifestement témoigné contre l'OMS, mais seulement à première vue, comme si l'OMS était responsable d'une crise humanitaire mondiale totalement inutile. Mais c'est encore une fois le contraire qui se produit dans la pratique. Le point crucial est que ce comité a confirmé l'OMS. En dépit des apparences, malgré des accusations apparemment sévères, n'a fait que confirmer, voire renforcer, l'OMS dans sa voie erronée. Vous comprenez? Parce que l'objet de l'enquête n'est en aucun cas le constat fondamental que plus de 90% des personnes infectées se sont rétablies d'elles-mêmes dans un délai très court. Si un groupe d'experts indépendants avait effectivement été désigné pour enquêter sur l'OMS, telle que nous la connaissons, par exemple, grâce à CLA-TV, ils auraient certainement été d'accord avec la première phrase du groupe auto-sélectionné. Mais ensuite, ils auraient concrétisé un peu plus leurs accusations de culpabilité et cimenté avec force ce qui suit, véritablement indépendant. Étant donné que, depuis le début jusqu'à aujourd'hui, le COVID-19 ne nous a pas touchés de manière significativement plus sévère que, disons, une grippe légère à modérée, voire dans certaines régions plus sévères, toute dramatisation et tout alarmisme qui ont eu lieu ont été inutiles de A à Z. C'est comme ça qu'ils auraient jugé. Toute l'hystérie autour du COVID qui en résulte, avec toutes les conséquences destructrices des confinements et autres, ne peut donc être décrite que comme une pandémie des intérêts pharmaceutiques. Un point, c'est tout. C'est ce qu'ils auraient dit. Donc, en résumé, comme cette crise mondiale n'est pas survenue à cause du COVID, mais seulement à cause des politiciens manipulés par la pharmacie et la finance, cette misère ne peut évidemment pas être éliminée par une surveillance totale des peuples et de leurs virus. Comment alors? Mais seulement par la surveillance totale de chaque collusion politique et de chaque lobby pharmaceutique et de chaque profit personnel. Par exemple, si un médecin, par une avidité dissimulée de profit, imposait des traitements nocifs à des personnes en bonne santé, et si ces personnes, en ayant eu des séquelles, étaient en plus contraintes par la loi à être en permanence, durablement sous le contrôle total d'un seul et même médecin, ça ne leur serait d'aucune aide. Voilà à quel point c'est absurde. Mais les mêmes politiciens, emmêlés dans des conflits d'intérêts qui ont provoqué toute cette catastrophe économique, martèlent à nouveau à la communauté internationale qu'il n'y a pas ou qu'il n'y aura pas d'issue au confinement sans un traçage des contacts encore plus transparent. Toute personne qui refuse d'être empoisonnée par ces vaccins, dont il a été démontré qu'ils sont mortels pour l'homme, devrait à l'avenir être surveillée en permanence, disent-ils, à tout moment et sans interruption. En Allemagne, les personnes non vaccinées ou celles qui ne peuvent pas présenter un test PCR ou un certificat de vaccination sont déjà interdites dans certains magasins. Nos collaborateurs ont vécu cela ces temps derniers. À la façon typique des francs-maçons, de façon insidieuse, on leur refuse l'entrée dans les commerces qui ne sont pas de première nécessité, comme les coiffeurs et autres. C'est toujours comme ça que ça marche. Ce sont des ballons d'essai, vous voyez. Mais ce n'est qu'une question de temps avant que ces exclusions à appliquer sous la contrainte ne s'étendent de plus en plus à tous les magasins, jusqu'aux magasins d'alimentation. Cela signifie donc que vous ne pouvez plus acheter ni vendre sans ce maudit caragma, sans leur marquage et leur approbation. Je vais vous donner ma prédiction à ce sujet dans une minute, et il est certain qu'elle se réalisera à nouveau. Car quiconque connaît un peu ces puissances de l'ombre, diaboliques et manipulatrices, peut d'ores et déjà garantir qu'elles soumettront finalement aussi toutes les personnes vaccinées à un dictat de surveillance permanente. Écoutez bien, malgré la vaccination, même malgré les vaccinations multiples, il vaut mieux le croire. Une oreille exercée peut déjà entendre cela dans les journaux télévisés quotidiens. Je ne sais pas, vous en voulez un avant-goût? Ce que le conseiller fédéral suisse Alain Berset a dit le 12 mai lors de la conférence de presse sur Radio Pilatus, certes en parlant des groupes de personnes privées, a certainement un caractère de signal pour toutes les futures personnes vaccinées. Qu'est-ce qu'il a dit ? Monsieur Berset s'est dévoilé peut-être involontairement. Il a dit « La limite du nombre de personnes restera en vigueur, même si toutes les personnes présentes sont vaccinées. » Vous entendez cela ? Bien sûr, quelqu'un va maintenant dire « Cela ne s'applique qu'au cercle de personnes privées. » Non, vous l'avez compris, malgré la vaccination, ça continue, elle ne s'arrête pas. On se demande sûrement à juste titre « Pourquoi fait-on ça ?» Alors que la vaccination, c'est tout ? C'est la solution ? Et si, malgré la vaccination de tous, une distanciation sociale demeure ? Oui ? Pour combien de temps ? Quel est le critère d'une fin définitive de ces réglementations qui torturent ? Le mot magique a été révélé par la même chaîne radio lors de son journal de 20h du 13 mai. Casimir Platzer, président de GastroSuisse, a dit le soulagement des métiers de l'hôtellerie face à la réouverture des restaurants. Il a constamment souligné l'importance de la mise en œuvre conséquente des plans de protection qui sont exigés. Tout dépend, selon lui, d'une sensibilisation suffisante des clients à la collecte totale des données. Vous entendez ce qu'il a dit ? C'est là que se situe le problème. Le grand objectif décisif n'est pas la vaccination de tous. Ça, ce n'est qu'un moyen pour l'atteindre, comme je ne cesse de le répéter. Quel est l'objectif, alors ? L'objectif, c'est la surveillance totale et durable de tous les citoyens de la Terre, y compris tous les vaccinés et tous les multivaccinés. Tu ferais mieux de le croire. Il a toujours été à l'ordre du jour de ces politiciens à l'ego démesuré que leur souhait ultime est d'avoir tous les humains sous leur contrôle total. C'est comme ça, tout simplement. Ne vous méprenez pas. Je dis cela à tous ceux qui sont si prompts à se faire vacciner afin de retrouver leur liberté le plus rapidement possible. Ne vous méprenez pas. Vous ne voyez malheureusement pas ce qui se passe réellement, car vous ne vous souciez toujours que de votre propre avantage. C'est pourquoi je dis à tous ceux d'entre vous qui veulent juste sauver rapidement leur propre tête, vous serez ceux qui seront finalement trompés plusieurs fois. S'il vous arrive ce que les meilleurs virologues et concepteurs de vaccins ont annoncé et que vous subissez des dommages du vaccin pour le reste de votre vie, alors, d'une part, aucun tribunal de ce monde ne vous rendra justice, et d'autre part, vous ne retrouverez pas la liberté et la normalité promises. C'est comme ça que ça se passera. Car ces forces qui ont provoqué tout ce désastre n'ont jamais compté faire un retour à la normale et à votre liberté. Comprenez-le. Aussi dur que cela puisse paraître, c'est malheureusement la vérité. Leur prochain grand objectif est la surveillance totale et la domination de chaque terrien. Sous le prétexte de la pandémie, ils éliminent donc directement la classe pauvre et la classe moyenne. Et ça, d'une manière tout à fait délibérée. Vous le remarquerez au cours de la pandémie. Ils travaillent en étroite coopération pour abolir l'argent liquide, pour pouvoir concentrer le pouvoir dans leurs propres mains. Je souligne tout le pouvoir. Ils convoitent notre asservissement total à leur technologie de surveillance ainsi qu'à leur système. Toute personne qui leur résiste, on pourrait même dire qui est politiquement incorrecte, pourra donc à l'avenir, si on appuie sur un bouton, être isolée, mise en quarantaine, assignée à résidence et pourra même facilement être dépossédée. C'est un vrai problème. Tout se résume à cette surveillance totale. Ne l'oubliez pas. Si cette secte, que j'appelle tout simplement la secte de la domination mondiale, n'est pas arrêtée maintenant et vaincue, le monde entier dansera douloureusement sur leur mélodie et cela sans clémence. Mais le monde ne dansera pas sur la mélodie avec laquelle cette secte lui a menti. Ce sera la mélodie du marquage sectaire sans compromis, c'est-à-dire le karagma, la dépossession et l'esclavage, jusqu'au dernier. C'est le problème. La Bible a décrit de manière figurative ce processus de marquage qui a déjà démarré, comme l'injection ou la marque de la bête. que cela se fasse au moyen d'un passeport vert, d'un carnet de vaccination, d'une appli ou d'une puce, n'a aucune importance en soi. Laissez-moi récapituler. Ce n'est pas à cause du Covid que nous avons ce désastre. C'est à cause de politiciens corrompus et de leur politique basée sur le lobbyisme de l'industrie pharmaceutique. Car la détresse actuelle a toujours été causée uniquement par la politique. Il n'est donc logiquement pas possible d'y mettre fin par une surveillance ou un contrôle total dû à un virus. La catastrophe mondiale actuelle ne peut prendre fin que par la surveillance totale de tous les politiciens corrompus et de ceux qui tirent leurs ficelles. Nous devons comprendre cela. Chaque terrien qui acquiert donc naïvement ces technologies de traçage de contact finance avec elles sa propre surveillance totale et son incarcération. Cependant, il ne mettra jamais fin à la crise. Quiconque veut simplement sauver sa tête le plus vite possible se solidarise justement avec de telles forces qui ont planifié cette catastrophe mondiale et qui l'ont imposée par pur égoïsme. Quiconque obéit à ces criminels, dis-je, et les soutient par obéissance, est coupable de complicité. Mais dès que nous nous unirons et insisterons pour que ce ne soit pas le peuple ou un quelconque virus, mais uniquement les politiciens mal avisés ainsi que leurs manipulateurs qui soient complètement mis à la lumière et contrôlés, le spectacle sera terminé en très peu de temps et la communauté mondiale sera à nouveau réellement et définitivement libre. Alors ce sera davantage que la normalité habituelle qui reviendra. J'en suis convaincu. Dans le monde entier, les gens sauteront et danseront de nouveau de joie. Les personnes libérées s'embrasseront et se prendront dans les bras partout en signe de gratitude. C'est mon pronostic. Ils diront à leurs enfants et aux enfants de leurs enfants comment les peuples du début du XXIe siècle se sont unis pour arracher au dernier moment leur monde au contrôle total d'une secte qui domine le monde. Et leurs petits-enfants et arrière-petits-enfants seront émerveillés et diront avec admiration « Waouh, papy, mamie, je suis si fier de vous. Merci de vous battre pour moi, de me laisser vivre dans ce monde magnifique et libre. » Car je crois fermement que les générations qui viendront après notre victoire ne sauront rien de tout ce que nous avons souffert et qui nous a fait pleurer tant de fois. Je suis Ivo Sasek qui se tient devant Dieu depuis 44 ans.